Lundi emploi avec Mathieu Giroux. La robotique. La robotique permettra de remplacer au moins la moitié des emplois manuels par des robots. Ainsi, le seul métier qui voudra sera celui de chercheur, qu'un robot ne peut pas trouver. Ne vous souciez donc pas du non-financement de la recherche publique. La recherche est toujours financée, dans le privé sinon. Pour devenir roboticien, il s'agit d'aller dans une formation de robotique, de mécatronique ou de passer une thèse de chercheur. La mécatronique consiste à fusionner la programmation avec l'électronique. Vous pouvez avoir appris de l'informatique ou de l'électronique pour vous former ensuite à la mécatronique. Le chercheur, lui, doit se former constamment à l'ensemble des domaines de recherche nécessaires à la création de robots. Il s'agit d'être à la fois praticien et théoricien dans tous les domaines du robot créé. Pour devenir chercheur, je vous conseille la réflexion platonique décrite dans mon livre Libre, favoriser la créativité. C'était Lundi Emploi avec Mathieu Giroux.